Une famille. Ah, je devrais parler. Un siège. Une famille. Oh, vous, madame. Une famille, serait-il possible? Ça n'est que trop vrai, ma pauvre Lisette, Jean Mauroy. Quelle violence. En pleine rue, on vient de me manquer de respect. Comment donc, madame, manquer de respect à une dame comme vous, madame Patin, la veuve d'un honnête partisan qui a gagné 2 millions de biens au service du roi, et qui sont ces insolents-là, s'il vous plaît? Une marquise de je ne sais comment, qui a eu l'audace de faire prendre le haut du pavé à son carrosse, et qui a circulé le mien plus de 20 ans. Voilà une marquise bien impertinente. Quoi? Votre personne qui est toute de clinquant, et votre grand carrosse doré qui roule pour la première fois, tout cela n'a point abrimé de respect à votre marquise? Pas du tout. Bon. Et c'est du fond d'un vieux carrosse traîné par 2 chevaux éthiques que cette gueuse de marquise m'a fait insulter par des laquais tous les guenillés. Oh, mort de ma vie, où est Elisette? Que je lui aurais bien dit son fait. J'ai pris sur un ton proportionné à mon équipage, mais elle, avec un taisez-vous bourgeoise, m'a pensé faire tomber de mon haut. Bourgeoise? Bourgeois, dans un carrosse de blanc cramoisi à 6 toiles, entouré d'une tapine d'or. Oh, je t'avoue que cette injure assommante, je n'ai pas eu la force de répondre. Je dis, mon cocher de tournée, oh. Elle me met ici à toute bride. Oh, vraiment, voilà un de vos laquais en bel équipage. Vous moquez-vous l'abri. Les autres sont plus chiffonnés que moi. Et je venais dire à madame que la fleur et la jonquille ont la tête cassée par les gens de cette marquise et qu'il n'a tenu qu'à moi de l'avoir aussi. Et que ne disiez-vous à qui vous étiez? Nous l'avons dit aussi. Eh bien, madame, je crois que c'est à cause de cela qu'ils nous ont battus. Au moins, madame, il faut prendre cette affaire-ci du bon côté. Ce n'est pas à votre personne qu'ils ont fait insulte. C'est à votre nom. Que ne vous dépêchez-vous d'en changer? Je suis bien résolue. J'enrage contre ma destinée de ne pas m'avoir fait plus tôt une femme de qualité. Oh, vous n'avez pas tout à fait sujet de vous plaindre. Et si vous n'êtes pas encore femme de qualité, vous êtes riche au moins. Et comme vous savez, on achète facilement de la qualité avec de l'argent, mais la naissance ne donne pas toujours du bien. Il n'importe. C'est toujours quelque chose de bien charmant, un grand nom. Oui? La résolution est prise. Il faut que je devienne marquise, quoi qu'il en coûte. Et pour cet effet, je vais absolument rompre avec toutes ces petites gens dont je me suis encanaillée. Commençons par M. Cerfort. M. Cerfort, madame, votre beau-frère? Mon beau-frère. Mon beau-frère, parlez mieux, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. J'ai cru qu'il était votre beau-frère parce qu'il était frère de feu, monsieur, votre mari. Frère de feu, mon mari, soit, mais mon mari étant mort, Dieu merci, Monsieur Cerfort ne met plus rien. Cependant, il semble à ce crasse-là qu'il me souhaite encore de quelque chose. Il se mêle de censurer ma conduite, de contrôler toutes mes actions. Son audace va jusqu'à vouloir me faire prendre de petites manières comme celle de sa femme, lui faire des comparaisons d'elle à moi. Il n'y a pas jusqu'à sa fille qui ne se donne aussi des airs, avec ses mines haudries. Elle attire les yeux de tout le monde et ne laisse pas aller sur moi. Le moins le petit regard. Que le monde est fou. Parce qu'elle est jeune et jolie, on la regarde plus volontiers que vous. Cela changera. Ou je la verrai plus. Vous la corrigerez aisément, madame. Et en devenant sa belle-mère, vous aurez des droits sur elle que la qualité de tante ne vous donne pas. Comment non, sa belle-mère? Mais tu crois qu'après ce qui vient de m'arriver, je me piquerai de tenir parole à monsieur Migaud que je l'épouserai? Oui, madame. Et cas de commun, ce qui vient de vous arriver avec les 2 mariages que l'on a conclus, de vous avec Monsieur Migaud et du fils de Monsieur Migaud avec Lucille, votre nièce. Je serais bien avancée, vraiment. C'est un beau nom, celui de Madame Migaud. J'aimerais autant nommer Madame Patin. Oh, il y a bien de la différence. Le nom de Migaud est un nom de robe, et celui de Patin n'est qu'un nom de financier. Robe ou finance, tout m'est égal. Et depuis 8 jours, je suis résolue d'avoir un nom de cour. De ceux qui remplissent le prix de la bouche. Ah, ceci ne vaut pas le diantre pour Monsieur Migaud. Que dis-tu? Oh, je dis, madame, qu'un nom de cour vous sera à merveille, mais que ce n'est pas assez que d'un nom, à ce qu'il me semble, que je crois qu'il vous faut un mari, et que vous devez bien prendre garde au choix que vous en ferez. Je me connais en gens, et j'ai en main le plus joli homme du monde. Comment? Ce choix est déjà fait, je n'en savais rien. Non, le chevalier n'a pas voulu que je te le dise. Quel chevalier? Le chevalier de Villefontaine? Lui-même. C'est le chevalier de Villefontaine que vous voulez épouser? Justement. Mais madame, vous n'y songez pas. Ce chevalier n'a pas un sou de bien. J'en ai suffisamment pour 2. Oh, puisque c'est un mariage de conscience, je n'ai plus rien à vous dire. Mais il me semble qu'avant que d'épouser le chevalier de Villefontaine, Il faudrait vous défaire honnêtement de Monsieur Migaud. C'est mon dessein, vraiment. Je vais lui faire une querelle d'allemand dès que je le verrai. Pour peu qu'il ait d'intelligence, il entendra bien ce que ça veut dire. Une querelle d'allemand, vous avez raison. Voilà une manière tout à fait honnête pour vous en défaire. Voilà Monsieur Migaud, madame. Madame, j'entre peut-être indiscrètement, mais je viens moi-même vous apporter la réponse du billet que vous m'écriviez hier au soir. Moi, je vous ai écrit hier, monsieur. Oui, madame, une vieille baronne qui a un procès dont je suis rapporteur m'apporta hier une recommandation de votre part. Ah oui, je m'en souviens. C'est une vieille importune qui me fatigue depuis 8 jours pour vous parler en sa faveur, et je vous écrivis hier pour m'en débarrasser. Je suis bien aise, madame. Que vous n'ayez point grande part à mon affaire. Il y a dans sa cause plus de chimère que de raison. Et en vérité, il y a peu d'honneur à se mêler. Comment, monsieur, vous ne lui ferez pas gagner son procès? Moi, madame, cela ne dépend pas de moi seulement, et la justice... Mais monsieur, je ne prétends pas qu'on dise dans le monde qu'une recommandation comme la mienne n'a servi de rien. En vérité, madame, je ne vois pas la raison qui vous oblige à vouloir que je m'intéresse dans une cause où il n'y a que de la honte à recevoir. En vérité, monsieur, je ne vois pas la raison qui vous oblige, lorsque je vous en prie, de refuser de vouloir donner un bon tour à une méchante affaire. Et monsieur, il semble que vous ayez la pudeur d'un jeune conseiller. Mais sérieusement, madame... Monsieur, pas une contestation, je vous prie. Je me fais entendre, si je me trompe. C'est à vous à prendre vos mesures là-dessus. Lisette, si la personne dont je vous ai parlé vient ici, qu'on fasse avertir chez Aramint, où je vais, je vous remercie. Monsieur, je vous donne le bonjour. Lisette. Monsieur. Que veut dire cette manière? Quel accueil me fait ta maîtresse? Vous n'en êtes pas fort content, à ce que je vois. Mais trouves-tu que j'ai sujet de l'être? Il me semble que non, franchement. Comment faut-il que j'explique tout ceci? Il me semble pourtant que ce n'est pas bien difficile à comprendre. Vous aimez Madame Patin, ma maîtresse, et vous avez cru jusqu'ici que Madame Patin vous aimait. Mais nos affaires sont assez avancées pour me la faire présumer. Et ce qui me surprend, c'est qu'au terme où nous en sommes, elle prenne des airs si brusques. Cela serait aussi un peu surprenant si vous ne la connaissiez pas. Mais vous savez ce qu'il faut en croire? Sans le respect que j'ai pour elle, je croirais... Laissez-la le respect, monsieur, et dites librement que vous la croyez un peu folle. Je me connais trop bien en gens pour vous en dédire. Écoute, Lisette, puisque tu me parles franchement, je t'avouerai de bonne foi que le caractère de Madame Patin m'a toujours fait peur. Et que, sans certains intérêts de mon fils, je n'aurais jamais songé à l'épouser. Monsieur Cerfort appréhende que sa belle-sœur ne dissipe le patrimoine. Et c'est pour le conserver à sa fille Lucille... qu'il ne la donne en mariage à mon fils qu'à condition que j'épouse Madame Patin. Et vous... Bonjour. Lisette. Monsieur. Que veut dire cette manière? Quel accueil me fait ta maîtresse? Vous n'en êtes pas fort content, à ce que je vois. Mais trouves-tu que j'ai sujet de l'être? Il me semble que non, franchement. Comment faut-il que j'explique tout ceci? Il me semble pourtant que ce n'est pas bien difficile à comprendre. Vous aimez Madame Patin, ma maîtresse, et vous avez cru jusqu'ici que Madame Patin vous aimait. Mais nos affaires sont assez avancées pour me la faire présumer. Et ce qui me surprend, c'est qu'au terme où nous en sommes, elle prenne des airs si brusques. Cela serait aussi un peu surprenant si vous ne la connaissiez pas. Mais vous savez ce qu'il faut en croire? Sans le respect que j'ai pour elle, je croirais... Laissez-la le respect, monsieur, et dites librement que vous la croyez un peu folle. Je me connais trop bien en gens pour vous en dédire. Écoute, Lisette, puisque tu me parles franchement, je t'avouerai de bonne foi que le caractère de Madame Patin m'a toujours fait peur. Et que, sans certains intérêts de mon fils, je n'aurais jamais songé à l'épouser. Monsieur Cerfort appréhende que sa belle-sœur ne dissipe le patrimoine. Et c'est pour le conserver à sa fille Lucille... qu'il ne la donne en mariage à mon fils qu'à condition que j'épouse Madame Patin. Et vous aurez la complaisance de vouloir bien souscrire à cette condition? J'assure par là plus de 40 000 livres de rente à ma famille. Oh, il me semble que monsieur votre fils, qui est un garçon si sage et si honnête, fera bien un meilleur usage des 40 000 livres de rente à qui vous en voulez que le petit Fat à qui Madame Patin les destine. Explique-moi cette énigme-là. Ta maîtresse va-t-elle changer de pensée? Elle s'est mis la cour en tête. Et pour y paraître avec éclat, elle prétend épouser le chevalier de Villefontaine. Cela ne se peut pas. Je ne sais pas si cela se peut, mais je sais bien que cela est. Bon, le chevalier de Villefontaine, cet homme-là n'est point fait pour épouser. Avertissez-en toujours, Monsieur Cerfort, par précaution, et prenez vos mesures comme si vous en étiez persuadé. La suite vous convaincra du reste. Thank you. Ah, vous voilà, monsieur, je vous cherchais partout pour vous dire que la baronne... Tais-toi, ne vois-tu point où nous sommes? Oui, monsieur, mais alors, la baronne... Je t'ai dit que lorsque je suis chez une femme, je ne veux point qu'on me vienne parler d'aucune autre. Ah, cela est vrai, mais monsieur, figurez-vous que cette baronne... Mais monsieur le fat, taisez-vous encore une fois. Ne venez point gâter une affaire qui est peut-être la meilleure qui me puisse arriver. Oh, quoi, monsieur? La maîtresse du logis parle-t-elle de mariage et songez-vous à l'épouser? L'aimez-vous? Ce serait 40 000 livres de rente qu'elle possède dont je pourrais être amoureux. C'est-à-dire que ce sont les 40 000 livres de rente que vous épouseriez en l'épousant. Et quoi donc? Si j'avais à aimer, ce ne serait pas Madame Patin, Dieu me damne. Ça ne serait pas aussi la vieille baronne, car vous lui promettez tous les 8 jours de l'épouser dans la semaine, il y a près d'un an que vous l'amusez. Si la baronne avait gagné ses procès, je la préférerais à Madame Patin. Et quoi qu'elle ait 15 ou 20 années davantage, ses procès gagnés lui donnera 15 ou 20 000 livres de rente de plus que là, Madame Patin. C'est-à-dire que s'il en arrivait encore quelques autres plus riches que ces deux-là, vous prendriez parti avec la dernière. Je les ménagerai toutes autant qu'il s'en présentera et le plus longtemps que je le pourrai. Et je me déterminerai pour celle qui accommodera le mieux mes affaires. Et pour accommoder les miennes, j'ai envie d'en prendre quelqu'une de celles dont vous ne voudrez point. Hein? Oui, oh, car entre nous, monsieur, je n'aime point les soubrettes, voyez-vous. Et à propos d'aimer, je crois que vous n'aimez rien, vous, que votre fille. Ah, je ne sais si je ne serais point amoureux d'une petite brune qui est la plus charmante du monde. Et si elle était aussi riche qu'elle voudrait me le faire croire, eh bien je n'hésiterais pas à lui sacrifier toutes les autres. Quelle petite brune, comment l'appelez-vous? Je n'ai pu encore savoir son nom. Ah, je m'étonnais aussi. Il n'y a pas de petite brune sur mon mémoire. Non, ce n'est que depuis 4 jours que je la vois tous les soirs aux Tuileries. Je lui ai fait croire qu'on m'appelait le marquis des Guérets. Ah, parble, voilà une conquête aussi difficile que j'en connaisse. Et je ne suis pourtant pas mal auprès d'elle. Oh, en 4 jours, voilà une conquête bien difficile, vous avez raison. Ah, mais elle a un père extrêmement bizarre, à ce qu'elle m'a dit. Et ça n'est que sous le prétexte de voir une certaine tante qu'elle trouve le moyen de venir les soirs à la promenade. Ah, bah, toute jeune et toute petite personne qu'elle est, elle ment déjà à la perfection, ah, n'est-ce pas? Elle a de l'esprit au-delà de l'imagination. Oui, mais songeons au solide, mon ami, et nous donnerons ensuite dans la bagatelle. C'est bien dit. Or, ça, je vois bien que c'est la dame d'ici qui est la meilleure aménagée. Mmh. Et je m'en vais renvoyer Madame la Baronne avec ses présents. Comment? Que parles-tu de présents? Oh, c'est ce que je vous ai voulu dire tout d'abord, que Madame la Baronne vous attend chez vous avec des présents. Mais je vais les renvoyer. Non, attends un peu. Qu'est-ce que c'est que ces présents? Oh, bah, monsieur, c'est par exemple un fort beau carrosse qu'elle a fait mettre sous une de vos remises, 2 gros chevaux dans votre écurie, un cocher et un gros barbet qui ont amené tout cela, et que je vais renvoyer puisque vous le voulez. Non, demeure. Oh, cette pauvre femme, tu vois, elle-même dans le fond, hein. Et je ne veux pas la fâcher. Ah oui, mais vous ne songez pas que Madame Patin... Si, je songe que Madame Patin aime le grand air et le grand équipage. Et le carrosse est beau. Oh, il est des plus beaux qui se portent. Cette pauvre baronne. Et les chevaux? Non, les chevaux sont des chevaux qui ont les raisés. Oh, vous n'en avez jamais encore eu comme cela. Oh, la pauvre femme. Bon, va-t'en lui dire que je la remercie et que j'aurai l'honneur de la voir cet après-dîner. Tiens, voilà Madame Patin. Ah. Va vite faire ce que je t'ai dit. Parbleu, vous viendrez puisque vous voulez garder l'équipage. Mais tais-toi donc, Marot. Ah. Laisse-moi sortir honnêtement avec celle-ci. Oh. Ah, je vous ai fait attendre, monsieur le chevalier. Mais on ne peut trop payer du chagrin d'avoir attendu quand on a le bonheur de vous voir un moment. Et c'est toujours volontiers que j'attendrai, quand je serai sûr de ne pas attendre inutilement. Qu'il est obligeant, qu'il dit les choses de bonne grâce. Mais vous me devez savoir gré de ne me pas trouver chez moi. Comment? Comme je n'y veux être que pour vous. Oh. Je suis bien à l'aise de me déraper aux opportunités de quelques gens qui se croient en droit de me parler à toute heure. Mais justement, je craignais de donner du chagrin à la compagnie que vous venez de quitter. Et avec des femmes, au moins. Ah. Vous n'avez pas de rivaux à craindre. Oh. Le carrosse en mira, je vous l'ai remise. C'est toi. Que dit Christophe? Non, rien, madame. Passons dans mon cabinet, nous y serons mieux qu'ici. Les chevaux s'impatienteront, vous dis-je. Mais te tairas-tu? Ah non, monsieur le chevalier. Adieu l'équipage. Mais à qui en a-t-il? Que parle-t-il d'équipage? Mais je ne sais pas, madame, ce qu'il marmotte entre ses dents, de carrosse, de chevaux, d'équipage. C'est mon sellier qui me demande. Oui, monsieur. Ah, m'a-t-on amené ces 2 chevaux neufs? Ah oui, monsieur, ils vous attendent, comme je vous ai dit. Oh, je vous demande pardon, madame, c'est un nouveau carrosse que je me donne. Oui, je sais que je vous fais plaisir de me bien mettre en équipage, et je meurs d'impatience de savoir si vous devez être contente de celui-ci. Je vais le voir avec vous. Eh? Et puisque c'est pour me plaire que vous faites cette dépense, je serais bien aise d'être la première à vous en dire mon sentiment. Oh non, madame, songez à de quoi, croire. Monsieur le chevalier? Mais, madame, comment? Mais que dirait-on dans le monde des petits soins qu'on verrait prendre? Oh, assurément, madame, il ne serait pas un être que mon maître essaya sans carrosse devant vous. La femme de son sellier est une cause... Oui, il y a des suites à craindre que je prévois, mais que je ne peux pas vous dire. Non, adieu, madame, je reviendrai dans un moment, si vous voulez me le permettre. Allez donc, chevalier, ne tardez pas, je vous prie. Et pas à la terre, pour ce que vous savez. Thank you. Ma foi, madame, ce n'était pas la peine de quitter le jeu pour être sacrifiée par monsieur le chevalier à l'impatience de voir son carrosse. Que tu es folle, ma pauvre Lisette. Je lui sais bon gré de cette impatience, puisque c'est pour me plaire qu'il a fait faire ce carrosse. Je gage qu'il lui aura fait mettre les chiffres. Je ne sais, mais je crains bien que ce monsieur le chevalier ne vous donne bien des chagrins. Vous voyez avec quelle brusquerie il vous quitte pour aller voir un carrosse neuf. Tu sais ce que tu dis. Oh. Ah, monsieur Cerfort, quel dessein vous amène. Vous m'auriez fait plaisir de me souffrir seule aujourd'hui, mais puisque vous voilà finissant, je vous en prie. De quoi s'agit-il? Qu'est-ce donc, madame ma belle-sœur? Et de quel ton le prenez-vous là, s'il vous plaît? Écoutez, vous vous donnez des airs qui ne vous conviennent point. Et sans parler de ce qui me regarde, vous prenez un ridicule dont vous vous repentirez quelque jour. Un fauteuil, Lisette, je prévois que monsieur va m'endormir. Non, madame, ce que j'ai à vous dire vous m'aidera terriblement. Ne prêchez donc pas longtemps, je vous en prie. Sainte ventre bleu, madame Patin, vous devriez vous défaire de toutes vos manières et de vos airs de grandeur, surtout pour ne plus recevoir d'avanie pareille à celle d'aujourd'hui. Voudriez, monsieur Cerfort, ne me pas reprocher des choses où je ne suis exposée que parce qu'on me croit votre belle-sœur. Mais voilà qui est fait, monsieur Cerfort, je ferai afficher que je ne la suis plus depuis mon veuvage. Tête bleue, madame Patin, mais c'est le plus bel endroit de votre vie que le nom de Patin. Et sans l'économie et la conduite du pauvre défunt, vous ne feriez guère en état de prendre les airs si ridicules. Je voudrais bien savoir si vous ne feriez pas mieux d'avoir un bon carrosse, mais doublé de draps couleur d'olive, avec un chiffre entouré d'une cordelière, un cocher maigre vêtu de brun, un petit laquais seulement pour ouvrir la portière, et des chevaux modestes, que de promener par la ville ce somptueux équipage qui fait demander qui vous êtes, ces chevaux fringants qui éclaboussent les champs de pied, et tout cet attirail enfin qui vous fait mépriser des gens de qualité, envier de vos égaux et maudire par la canaille. Mais vous devriez, madame Patin, retrancher tout ce faste qui vous environne. Eh bien, monsieur Cerfort, en un mot comme en mille, je prétends vivre à ma manière. Je ne veux point de vos conseils, je me moque de vos remontrances. Je suis veuve, Dieu merci, je ne dépends de personne que de moi-même. Vous venez ici me morigéner, comme si vous aviez quelques droits sur ma conduite, mais c'est tout ce que je pourrais souffrir à un mari. Oui, ben, quand monsieur Migaud sera le vôtre, il fera comme il l'entendra. Et je crois que ce mariage, d'ailleurs, vous donnera quelques titres pour cacher toute cette splendeur. N'est-ce pas? Eh bien, monsieur, quand monsieur Migaud sera mon mari, je prendrai ses leçons, pourvu qu'il ne suive pas les vôtres. Il s'accommodera de mes manières ou je me ferai aux siennes. Est-ce fait? Avez-vous tout dit? Sortez-vous ou voulez-vous que je sorte? Non, non, madame, demeurez. Je ne me mêlerai plus de vos affaires, je vous assure. Mais qu'une tête bien sensée en étoffe plutôt la conduite et que ce double mariage que nous avons résolu se termine avant la fin de la semaine, je vous prie. Hein? Ne vous mettez pas en peine. Quel sot homme de ne pas dire d'abord les choses. Il était bien besoin de tout ce préambule pour en venir à l'affaire de monsieur Migaud. Que ne s'expliquait-il dès en entrant? Vous lui auriez dit oui tout aussitôt, il ne vous aurait pas entendu. Ne faut-il pas bien qu'il me fatigue? Il semble qu'il ne soit fait que pour cela. Franchement, madame, il m'ennuie quelquefois pour le moins autant que vous. Non, que je le hais. Je ne serais point satisfaite qu'il ne lui soit arrivé quelque aventure désespérante. Il le mérite bien. Et quand vous serez une fois la belle-mère de sa fille, vous aurez bien des occasions de le désespérer. La belle-mère de sa fille, moi? Mais tu n'y songes pas, Lisette? Ne t'ai-je pas tantôt fait confidence de l'affaire du Fallu? Ma foi, madame, je vous demande pardon, je ne m'en souvenais pas. Et je croyais que vous l'aviez oublié à cause de ce que vous venez de dire à monsieur Cerfort. Mais que tu es sotte, ma pauvre Lisette. Mais j'aurais promis à monsieur Cerfort tout ce qu'il aurait voulu pour après-demain. Oui, madame. Oui, vraiment. Car dès-demain, je me mettrai hors d'état de pouvoir lui tenir parole. Vous avez des précautions admirables. Nous avons pris, le chevalier et moi, toutes les mesures qu'il faut pour nous marier cette nuit, à 5h du matin. Cela est bien adroit. Mais voici votre petite nièce bien échauffée. Quoi? Je serai toujours obsédée ou par le père ou par la fille. La mère ne viendra-t-elle pas encore? Tante, j'attendais avec impatience que mon père fût sorti pour vous dire une nouvelle qui vous fera voir que je suis autant dans vos intérêts que mon père vous est contraire. Mais que vous soyez dans mes intérêts ou qu'il n'y soit pas, c'est pour moi la même chose. Oh, ma tante, je crois que vous ne serez pourtant pas fâchée de savoir ce qu'on a dit à mon père. Qu'a-t-on pu dire à votre père? Que vous vouliez épouser un homme de la cour. Et il a résolu je ne sais combien de choses pour vous en empêcher. Mais qu'a pu dire cette nouvelle, Lisette? Je ne sais pas, madame. Le chevalier a causé, peut-être. Les chevaliers sont de grands causeurs, ordinairement. Le moyen de rompre ces mesures, c'est de faire vos affaires tout doucement, ma tante, et de vous marier en cachette. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Les gens qui ont dit cette nouvelle sont des bêtes. Et votre père aussi. Pardonnez-moi, ma tante, mais j'ai une démangeaison furieuse de vous voir femme de qualité. Vous aurez bientôt ce plaisir, là. Et je vous conseille par avance de commencer de bonne heure à garder avec moi certains respects où vous devez être, et vous auriez peut-être peine à vous accoutumer dans la suite. Comment donc, ma tante ? Défaites-vous surtout de ma tante, et servez-vous du mot de madame. Enfin, vous demeurez chez votre père. Mais ma tante, puisque vous êtes ma tante, pourquoi faut-il que je vous appelle autrement ? C'est qu'étant femme de qualité, et vous ne l'étant pas, je ne pourrais honnêtement être votre tante sans déroger quelque façon. Oh, que cela ne vous embarrasse pas, ma tante, car je deviendrai bientôt aussi femme de qualité. Que dites-vous ? Il ne tiendra qu'à moi d'être pour le moins aussi grande dame que vous. Qu'est-il ? Je connais un seigneur tous les plus jolis que j'ai vu plusieurs fois aux Tuileries, qui m'épousera dès que je voudrai. Ne vous mettez pas en peine. Hein ? Et comment s'appelle-t-il, ce seigneur ? Monsieur le marquis des Guérets. Il est fort riche et fort de qualité, car il me l'a dit. Ah, vraiment ? Je suis bien aise, ma nièce, que, malgré la mauvaise éducation que votre père vous a donnée, vous preniez des sentiments dignes de l'honneur que je vous fais de vouloir être votre parente. Voilà de quoi vous avez profité à me voir. Et vous m'avez cette obligation. Il faut que je vous en aie une autre, ma tante. Que faut-il faire ? Vous mariez au plus tôt, s'il vous plaît, avec ce monsieur que vous aimez, afin que cela m'autorise à épouser celui que j'aime aussi, et que quand mon père voudra me quereller, je puisse lui dire « je n'ai pas fait pique, ma tante ». Vous avez raison, c'est une terrible chose que l'exemple. Mais il faudrait que ma tante se dépêchât, car monsieur le marquis des Guérets, qui m'aime, a furieusement d'impatience. Bien, ma nièce, puisque vous êtes dans si bonne disposition, je veux bien vous faire une confidence que je n'ai encore faite à personne qu'à vous. Je me marie demain à 5h du matin. À 5h du matin? Oui, ma nièce, à 5h. Alors si l'exemple vous encourage, c'est à vous de voir à quoi vous vous déterminez. Ma tante, je vais décrire à mon amant et lui demander de prendre toutes ses précautions pour que nous nous dépêchions aussi. Adieu, ma tante. Adieu, ma nièce. Oh, voilà bien de quoi me venger de Monsieur Serfort. Sa fille est entêtée d'un homme de cour. Un homme de cour la veut épouser et elle meurt d'être épousée. Si le père et la mère en pouvaient mourir de chagrin, nous serions débarrassés de deux ennuyeux personnages. Mais madame, est-ce que vous donnerez les mains au dessein de votre nièce? Assurément. Je ne saurais manquer une si belle occasion de désespérer Monsieur Serfort. Cela est bien adroit. Eh bien, madame, j'ai point fait diligent. Eh bien, chevalier, êtes-vous bien content de votre équipage? Il marchera ce soir, et s'il est de votre goût, il ne lui manquera aucune chose pour être parfaitement au mien. Puisque cela est, je l'admire par avance, madame. Et je le trouve des mieux entendus. Mm-hmm. Vous y avez fait mettre vos armes? Non, madame. Des chiffres. Je l'ai deviné dès tantôt. Mais en vérité, je ne sais pas ce que le peintre s'est avisé d'y mettre. Allez, je vous pardonne. Mais de quoi, madame ? Le chiffre doit être fort beau. Laine et le V font un assemblage fort agréable. Comment, madame ? Comme je m'appelle Nanette, laine y domine apparemment. J'enrage. Le chiffre du carrosse est apparemment celui de la baronne. Avez-vous passé chez votre notaire ? Oui, mais je ne l'ai point trouvé. Je lui ai laissé un billet. Mais madame, vous êtes une sotte, mamie. Votre maîtresse y est toujours pour moi. C'est une infortune plaideuse dont nous ne serons débarrassés d'aujourd'hui. Mon Dieu, c'est ma baronne. Il nous a été impossible de faire tête à madame et le portier ni moi n'avons pu lui persuader que vous n'y étiez pas. Mais pourquoi dire que je n'y suis pas? Est-ce pour des personnes comme elle qu'on n'y veut pas être? Je vous demande pardon, madame. Je vous disais bien, mamie, vous êtes une bête, comme vous voyez. Ah! Ah, monsieur le chevalier, que faites-vous ici? Mais vous-même, madame, par quelle aventure? Je venais ici, madame, solliciter encore vos recommandations pour mon procès. Mais je ne m'attendais pas d'y trouver monsieur le chevalier. Qui vient-il faire, madame? Mais madame, De grâce, madame, regardez les affaires de madame la baronne comme les miennes propres. Vous ne sauriez me faire plus de plaisir. Vous voyez, madame, comme je m'intéresse pour vous. Voilà un embrouillé à minuit où je ne comprends rien. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Mais en vérité, madame, je ne comprends pas d'où vient votre curiosité sur le chapitre de monsieur le chevalier et par quel motif... Comment, madame, par quel motif? Madame de grâce, que tout ceci ne vous étonne point. Madame est une personne de qualité. C'est ma cousine Germaine qui m'estime 100 fois plus que je ne mérite. Je suis son héritier. Elle a pour moi quelques bontés. Ne lui parlez pas de notre mariage. Et j'en ai toute la reconnaissance imaginable. Elle y mettrait obstacle. Et comme elle a de certaines vues pour mon établissement et pour ma fortune, elle craint que je ne prenne des mesures contraires aux siennes. Oui, madame, voilà par quel motif. Je vous demande pardon, madame. Je vous moquais, madame. Mais dites-moi seulement, je vous prie, quel commerce Monsieur le chevalier. Commerce, madame, mais qu'est-ce que ça veut dire, commerce? Comment, madame la baronne, ignorez-vous que la maison de madame est le rendez-vous de tout ce qu'il y a d'illustre dans Paris? Vous verriez, c'est ridicule. Que pour être en réputation dans le monde, il faut être connu d'elle. Ne lui parlez pas de notre dessein. Que sa bienveillance pour moi est ce qui fait tout mon mérite. C'est une babillarde qui le dirait partout. Et qu'enfin, je fais tout mon bonheur de lui plaire et que c'est ce qui m'amène ici. Oui, madame. Voilà tout le commerce que nous avons dans le corps. Pardonnez-moi. Et de grâce, mesdames. N'entrez point dans des éclaircissements qui ne sont bons à rien. Non, soyez amis. Pour l'amour de moi, je vous en conjure. Et tenez, que celle de vous deux qui m'estime le plus embrasse l'autre la première. Madame, je suis en observance. Voilà. Parlons. Parlons de votre procès, madame, je vous prie. Oh, moi, monsieur le chevalier, je n'ai pas attendu vos recommandations pour parler des affaires de madame, mais on trouve sa cause fort mauvaise. Madame, on a menti. Je la maintiens bonne. Demandez à monsieur le chevalier, il l'a sur le bout de son doigt. Comptez-la un peu, madame. Mais ma foi, madame, je ne sais pas de quelle affaire il est question. Je sais seulement qu'elles sont toutes claires comme le jour et accommodées de certaines circonstances dont je ne me souviens plus très bien, mais qui sont les plus justes du monde, sans contredit. Je vous en fais juge vous-même, madame, écoutez seulement. C'est un procès intenté dès avant la bataille de Pels. Mon bisaïeul y commandait un régiment. Il fut tué à cette bataille. Ah, s'il était encore au monde, je serais bien sûr de gagner ma cause. N'est-il pas vrai, monsieur le chevalier? Je crois que oui, madame. Lisette, dis un peu à mon maître qu'il vient de me parler. J'ai quelque chose à lui dire. Va lui dire toi-même. M'y voilà. Voici le fait. J'ai un moulin à vent, madame. Il est à moi, ce moulin à vent. On m'empêche de le faire tourner. Je demande la paisible possession de mon moulin. Cela n'est-il pas juste? Mais ne l'avez-vous pas, madame? Mais non, je ne l'ai pas. Il y a environ 150 ans, oui, il y a environ 150 ans, que le grand-père de ma partie fit planter proche de ma maison un bois qui fait aujourd'hui tout l'ornement de la cellule. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire qu'il fit planter ce bois par malice pour me boucher la vue et qu'il prévoyait bien qu'avec le temps, ce bois deviendrait haute futaie. Vous croyez, madame, qu'il a fait planter ce bois par malice? Mais assurément, madame. Et moi, pour lui faire pièce par représailles, j'ai fait relever un vieux moulin abandonné. Et comme ce moulin est plus ancien que le bois de ma partie, que ce bois... Écoutez bien ceci, s'il vous plaît. Et que ce en bois... En vérité, madame, je ne comprends rien dans les affaires. Mais je parlerai encore de la vôtre à monsieur Migaud, je vous assure. Oh, je vous en prie, madame, j'ai là-bas mon carreau. Allons ensemble chez lui tout à l'heure, s'il vous plaît. Je ne puis sortir aujourd'hui, madame. Mais mon procès se juge demain, madame. Prenons cette occasion aux cheveux. Madame, je vous conjure de mener madame la baronne chez monsieur Migaud. Si vous l'emmenez d'ici, nous nous en défendons aujourd'hui. Vous m'attendrez donc ici, chevalier? Mais oui, madame. Allons donc, madame. Est-ce que vous le voulez? Allez, mesdames. Ne venez-vous pas avec nous, monsieur le chevalier? Dispensez-moi, madame, je ne sais point parler de procès. Que je vous retrouve donc chez moi? Mais je n'y manquerai pas. Venez-vous, madame. Je vous suis, madame. Que veut Crispin, son maître? Et voilà parti, Dieu merci. Mon pauvre garçon, qu'il faut d'esprit pour se retirer d'une méchante affaire. Mais que voulais-tu? Qu'avais-tu à me dire? Ah, monsieur, j'ai une lettre qui vous expliquera toute chose. Ah. Le porteur m'a dit que ça n'était point de la bagatelle, non, et qu'il y allait de votre fortune. Eh bien, voyons, donc, donne-la. Est-ce celle-là? Oh, non, monsieur, non, non. Ça, c'est la liste de vos maîtresses que nous fîmes l'autre jour, Jeanneton et moi, à la porte des Tuileries. Mais veux-tu me déchirer ces sottises-là? Ah, Dieu m'en garde, monsieur. Quand vous reprendrez du goût pour la bagatelle, vous serez bien aise, peut-être, de relire ce petit mémoire. Bon, alors, donne-moi la lettre. Ah, la voici. Ah, voyons. Ah, non, non, ah. Ce sont les vers que vous fîtes faire l'autre jour pour madame la baronne par chemise. Le poète à qui vous donna ce vieux juste au corps, bon, qui vous avait tant servi à la chasse. Je n'aurai donc la lettre d'aujourd'hui. C'est ça? Ah, pardonnez-moi, monsieur, la voici. Elle vous est adressée sous le nom de monsieur le marquis des Guérets. Comme vous m'avez fait confidence de ce nom, je n'ai pas manqué à la recevoir. C'est de ma petite brune des Tuileries. Lisons. Vous avez témoigné tant d'envie de me revoir que je me suis résolu à satisfaire votre curiosité. Oui. Je vous attends dans les Tuileries où j'ai mille choses à vous dire. Ne manquez pas de vous y rendre. Adieu. Oh, le porteur m'a menti, monsieur, ce billet-là sans la bagatelle. Pas tant bagatelle, Crispin. Je cours retrouver la petite brûle. Hé, madame Patin, vous avez promis d'attendre. Ah, mais tu as raison, mais il n'importe, je serai de retour avant elle. En tout cas, il faut lui écrire. N'as-tu pas là ces verres que j'envoyais à la baronne? Ah, oui, monsieur, les voilà. Donne, ils serviront pour madame Patin. Oh, mais monsieur, vous allez les rendre bien circulaires. Vous les avez déjà fait servir à plus de 8 personnes différentes. Ouais, qu'est-ce que cela fait? Hein? S'il fallait de nouveaux verres pour toutes celles à qui l'on écrit. Oh, diable, votre garde-robe serait bientôt dégarnie de juste au corps. Que dis-tu? Ah, rien, écrivez seulement. Oui. Si le poète a vendu ses verres autant de fois que vous les avez envoyés, il n'y a point de fille de bonne maison qui n'en doive avoir. Mille fois plus que je n'en suis aimé. Voilà, attends madame Patin et donne-lui mes tablettes. Ah, vos tablettes sont-elles sages au moins? Et que veux-tu dire? N'y a-t-il point dedans quelques adresses scandaleuses? Ah, que tu es extravagant. Je n'ai ces tablettes que d'hier, ce fut la baronne qui me les donna. Oh, c'est que les tablettes de vos pareils sont ordinairement de mauvais livres et il y aurait conscience. Écoute, je crois. Je la croyais avec madame Patin. N'a-t-elle rien entendu? Oh, ma foi, je ne sais, mais puisque la voici, je vais lui donner ses tablettes, elle les donnera à sa maîtresse. Non, demeure, je veux que tu lui donnes toi-même. Oh, ma foi, monsieur, je serais bien aise d'aller voir un peu ce que c'est que votre petite brume, je suis curieux. Tu te tais, Marouche. Ma pauvre Lisette, je viens de me souvenir que j'ai une affaire de conséquence qui ne me permet pas d'attendre. Et si ta maîtresse revient avant moi, donne-lui mes tablettes, je te prie. C'est assez, je n'y manquerai pas. Le charmant objet que j'adore brûle des mêmes feux dont je suis enflammée. Oh, et je sens que je l'aime encore mille fois plus que je n'en suis aimée. Oh. Liste des maîtresses de mon maître avec leurs noms, demeures et qualités. Oh. J'ai en main de quoi donner à madame Patin de furieux soupçons de son chevalier. Et elle y fera réflexion, je vous assure. Et pour confirmer ses soupçons, je vais adroitement mêler le chevalier dans une affaire dont je viens donner avis à ta maîtresse. Il est bon de lui brouiller la cervelle de plusieurs manières. Chut. Où est le chevalier? Qu'est-ce qu'il dit pour l'instant? Il a fait haut le pied, madame, dès que vous avez eu le dos tourné. Quoi? Je ne sors que pour l'obliger. Il promet de m'attendre et je ne le trouve pas. Bon, madame, est-ce que les gens comme monsieur le chevalier sont faits pour attendre? Ah, monsieur Migaud, je sors de chez vous. Et cela est fort mal de ne vous y être pas trouvé. Je vous aurais attendu, madame, si j'avais pu prévoir l'honneur que vous m'avez fait. Mais j'ai passé chez une marquise. Chez une marquise, monsieur. Chez une marquise. Alors quand on aura affaire à vous, il faudra avant d'aller chercher chez une marquise. C'est une chose qui vous touche. Il n'est pas extraordinaire que je m'y sois intéressé. Vous avez eu quelques démêlés de carrosse à carrosse avec une marquise qu'on nomme Dorimène. Qui vous a conté cette histoire? Vous connaissez cette marquise-là, monsieur? Oui, madame. Et c'est de chez elle que vous venez? Oui, madame. Eh bien, monsieur, vous n'avez qu'à y retourner, s'il vous plaît. C'est une bonne impertinence que votre marquise, Dorimène. Et je vous trouve plaisant, vous, d'aller chez elle, de me le venir dire au nez, vous-même. Je ne lui ai rendu visite pour vous obliger, madame. Je la connais. Elle est d'une humeur violente, elle se prend offensée. Et les femmes vous barbouillent terriblement dans le monde. Plaît-il? Que voulez-vous dire? Sans des femmes comme moi qu'on barbouille. Mais madame, il n'y a rien de plus facile aujourd'hui que de donner des ridicules, même aux gens qui en ont le moins. Mais je me suis déjà servi du petit pouvoir que j'ai auprès d'elle pour l'obliger à se taire. Qu'elle parle, je ne serais pas meute. Je le crois. Mais elle est de ces parleuses qui disent peu de paroles qui ne portent coup. Je l'ai trouvée dans le dessein de faire un étrange éclat. Son courroux a perdu un peu de sa violence à ma prière, mais je ne l'ai que suspendue. C'est à vous, madame, de l'étouffer tout à fait. Mais encore, que faudrait-il que je fisse pour cela? Il faudrait lui rendre visite, lui faire quelques civilités. Moi, lui rendre visite, lui faire des civilités, moi. Faites-lui au moins parler par quelques personnes qui puissent la persuader mieux que je n'ai fait. C'est une chose de conséquence, madame. Mais je ne connais point les amis de cette femme-là et je ne veux point me donner de peine pour les connaître. Cela n'est point si difficile. Et si l'on pouvait seulement trouver quelque habitude auprès d'un certain chevalier de Villefontaine... chevalier d'une fontaine, dites-vous? Oui, madame, c'est un homme qui la gouverne absolument. Le chevalier est amoureux de cette marquise? Non, pas madame, c'est la marquise qui est amoureuse du chevalier. Et le chevalier a la bonté de souffrir qu'elle l'aime parce qu'il y trouve son compte. Oh, ma pauvre Lisette! Faites parler cet homme-là. Il n'est point que quelques femmes de vos amies ne soient des siennes, et il a la réputation de connaître bien des dames. Oui, j'aurai soin de m'en informer. Il y en a 5 ou 6, entre autres, avec qui il a qu'espèce d'engagement, pour quelque façon de mariage, ce que j'ai ouï dire. Oh, ma pauvre Lisette! Il leur promet tout retour de les épouser, suivant qu'il y a plus ou moins affaire d'argent. L'une a soin de son équipage, l'autre lui fournit de quoi jouer. Celle-ci arrête les parties de son tailleur, celle-là paie ses meubles et son appartement. Et toutes ses maîtresses sont comme autant de fermes qui lui font un gros revenu. Oui, voilà comme vous dites un étrange caractère. Et je ne sais s'il n'y a point de risque à connaître un homme comme celui-là. Oui, ça ne fait point d'honneur dans le monde. C'est pourtant le seul qui peut apaiser la marquise et vous épargner les démarches qui vous font tant de répugnance. Adieu, madame. Ne négligez point cette affaire, je vous en conjure. Elle est plus importante que vous ne pouvez vous l'imaginer. Ah, ce monsieur Migaud regarde toujours vos affaires comme les siennes. Le pauvre homme. Il s'attend à devenir votre époux au premier jour. Serait-il possible, Lisette, que le chevalier fût fourbe, au point qu'il a voulu me le persuader? Bon, madame fourbe, ça ne s'appelle point fourberie. En termes de cour, à ce que j'ai ouï dire, c'est gentillesse tout au plus. Lisette, le chevalier me trompe. Assurément. Je suis peut-être une de ces 5 ou 6 à qui il promet tour à tour. Oh, voilà des tablettes qu'il m'a chargé de vous donner. Et je n'ai pas voulu vous les rendre en présence de monsieur Migaud. Tu as bien fait, mais que veut-il que je fasse de ces tablettes? Il a écrit quelque chose dessus et ce sont sans doute les raisons qui l'ont empêché de vous attendre. Voyons ce que c'est. Ah, Lisette, le chevalier n'est pas si coupable. Il est sorti apparemment que pour avoir un prétexte de me faire cette galanterie. Comment donc, madame? Oh, ce sont des vers. Les plus tendres du monde. Oh. Oh, si son cœur les a dictés, j'ai bien lieu d'en être contente. Monsieur Migaud est un médisant, le chevalier est un honnête homme. Oh oui, madame, assurément. Mais quel papier as-tu là? Oh, c'est un papier que j'ai trouvé ici. Il faut que ce soit ce fou de Crispin qui l'ait laissé tomber de sa poche. Oh, il y a quelque chose, madame, de tout à fait drôle. Et je l'ai gardé pour vous en donner le divertissement. Voyons ce que c'est. Liste des maîtresses de mon maître. Eh? Avec leur nom, demeure et qualité. Et vous croyez, Lisette, que ça doit me divertir? Oh oui, madame, lisez, lisez seulement le reste. Ça vous donnera du plaisir, je vous en réponds. Ben, ce commencement ne m'en fait point du tout. Mais si, mais si, mais si. Dorimène, la médisante, rue des mauvaises paroles. Dorimène, Dorimène. Voilà une marquise, justement. Mais monsieur Migaud avait raison, le chevalier est assez long. Oh, madame, madame, je ne croyais pas que vous vous fâcheriez de ces petites bagatelles. N'achevez pas, puisque vous êtes si sensible. Non, non, non, je veux connaître toutes ces intrigues pour le haïr mortellement. Si vous êtes dans ce dessin-là, vous n'avez qu'à continuer. La sotte comtesse, rue Béthisy, à l'hôtel de Picardie, le traître. La magnifique marchande, rue des Saint-Diamants, à la folie des bourgeoises. Que je me veux de mal de l'avoir aimée. Lucin, la coquette en cours au grand commun, que je le hais. Sylvanir, la précieuse, rue Montorgueil, je le déteste. Mademoiselle du hasard, rue des bons enfants, au repentir. C'est un monstre. Oh oui. La grosse marquise au teint luisant, rue de Plâtre, proche les enfants rouges. En effet, je ne veux plus le voir. Oh, mais madame! Non, non, non, je ne veux plus le voir, résolument. Je crois que je l'entends. Où vas-tu? Je cours au-devant de lui pour lui donner son congé de votre part. Ah, non, non, laisse-le venir, Lisette. Je veux le confondre et voir avec quelle effronterie il soutiendra toute cette affaire. La baronne vous attend, dis-je. Oui, bien, nous avons du temps pour tout. Ah, voilà. Que j'avais d'impatience à vous revoir. De quel quartier venez-vous, monsieur? De la rue Montorgueil? Des enfants rouges? Est-ce la magnifique marchande que vous venez de quitter? Non mais que voulez-vous dire, madame? Crispin m'entendra mieux. Ah, approchez, madame. Monsieur Crispin, approchez. Oui, non mais approchez, vous dis-je. Connaissez-vous cette écriture? Ah, madame, je vais faire une petite commission que mon maître m'a donnée. Je reviens tout à l'heure. Non, non, non, il faut m'expliquer tout ceci auparavant. Non, mais expliquez-vous vous-même, madame. Qu'est-ce que ce papier? Il peut vous en dire des nouvelles. Répondras-tu, Marot? Monsieur, C'est la liste de vos maîtresses que madame a achetée au palais. La liste de mes maîtresses. Scélérat. Qui t'a fait écrire ces sottises-là, maroufle? Oh, mais monsieur, ne vous ai-je pas dit que c'était l'autre jour, en badinant avec Jeanneton? Mais quelle est-elle, Jeanneton? C'est une des maîtresses de monsieur Crispin, apparemment. Oh, non, le diable m'emporte. C'est cette marchande de bouquets qui est à la porte des Tuileries. Mais qui cette malheureuse? Jeanneton est une des amies de mon maître. Comme je la trouve drôle, je suis de ses amis. L'autre jour, comme je vous ai dit, nous nous mîmes à griffonner ensemble une liste où nous forgeâmes des noms, des qualités, des demeures qui ne sont que dans l'imagination de Jeanneton et dans la mienne. Fort bien. Voilà ton maître pleinement justifié. C'est un nom en l'air que celui d'Orimène. Je ne la connais pas. Et tout cela n'est que dans l'imagination de monsieur Crispin. N'est-il pas vrai, chevalier? Non, non, madame, je connais cette d'Orimène et peut-être toutes celles qui sont sur le papier. Il y en a même beaucoup, je crois, d'oubliées. Oh. Non, mais ce ne sont point mes maîtresses, madame. Et puisque monsieur Crispin s'est diverti à mes dépens et que cette liste vous irrite si fort contre moi, je prétends que ce soit lui qui me justifie. Moi, monsieur? Oui, coquin, donnez-vous la peine de lire, madame. Et vous, monsieur le maroufle, à chaque article, expliquez à madame les raisons qui me faisaient voir toutes ces femmes-là. Oh, voilà une bonne diable de commission, mais monsieur, vous expliqueriez mieux que moi. Non, votre imagination a fait la sottise, il faut que ce soit votre bouche qui la répare. Parleras-tu, faquin, ou je te donnerai 100 coups de bâton? Mais monsieur, que diable voulez-vous que je dise? Lisez seulement, madame. Ma pauvre Lisette, il le prend sur un ton qui me fait croire qu'il n'est pas si coupable. Et c'est ce ton-là qui me le ferait croire plus scélérat. Eh bien, madame, que nous l'interrogez-vous? Qui vous retient? La crainte de vous trouver doublement perfide. Mais madame, je m'expose à tout, mais je n'ai rien à craindre. Ah, chevalier, que êtes-vous innocent? Oh. Mais je tâche en vain de vous trouver telle. Qu'allez-vous faire, dites-moi, chez cette comtesse qui demeure à l'hôtel de Picardie? Quel charme, quel mérite vous attire chez elle? Eh bien, éclairci, madame. Vous voyez bien que ce n'est pas moi qui l'interroge. Répondras-tu? Mais que dirais-je? Si tu ne parles, hein? Mais que dirais-je? Hein? Fuis donc, madame, cette comtesse-là est une folle. Voilà. Oui, et c'est par une espèce de sympathie que mon maître... Oh, que dirais-je? Vous me ferez dire quelques sottises et puis vous fâcherez contre moi. Ah, la sympathie est admirable. Et cette mademoiselle du hasard, est-ce par sympathie qu'il lui rend visite ou pour se faire honneur dans le monde? Eh, fille, madame, il ne la va jamais voir qu'en sortant de chez Rousseau, quand il est un peu en train sur les 3 ou 4 heures du matin, oui. Il va faire du bruit chez elle pour se divertir. Mais tu es fou. Ah, non, monsieur, vous me dites de parler, je parle comme vous voyez. L'heure est fort bonne et fort commode, et la marquise au teint luisant, quel engagement a-t-il avec elle? Non, mais madame, il ne voit cette marquise que par admiration. Comment par admiration? Mais oui, madame, il y a 40 ans qu'elle en avait 30, et elle n'en a présentement que 32, tout au plus. Ah, oh, oui, c'est une merveille au moins d'avoir trouvé le secret de vieillir si doucement. Oh. Chevalier, votre laquais est bien instruit. Non, madame, je vous dis les choses en conscience. N'importe. Je veux bien vous croire, innocent, puisque vous tâchez de le paraître. Et je vous aurais, je crois, pardonné si je vous avais trouvé coupable. Non, madame, non, je ne prétends point abuser de votre indulgence. Punissez-moi si je suis criminel. Voyez, examinez toute ma conduite. Les apparences sont terriblement contre moi, je vous l'avoue. Voilà plus de 2 mois entiers que je me refuse à toutes les parties de plaisir qu'on me propose. Vous savez, je ne trouve qu'à vous voir, qu'à vous aimer, qu'à vous le dire, je vous le jure, à tout moment. Je surmonte, pour vous le persuader, l'aversion que les jeunes gens du siècle ont pour le mariage. Je renonce à toutes les compagnies, je romps 20 commerces des plus agréables. Je désespère peut-être les personnes les plus aimables de France. Ah, tout cela est bien, scélérat, madame, et je suis un perfide, il est vrai. Mais en vérité, madame, ce n'était pas à vous à vous en plaindre. Ah, oh, chevalier, que vous êtes méchant. Oh. Je sens bien que vous me trompez, mais je ne puis m'empêcher d'être trompée. Voilà le plus impudent petit scélérat que j'ai jamais vu. Monsieur Guillemin, madame, un notaire demande à vous parler. Renvoyez-le, madame, je vous prie. Je lui avais dit de venir comme nous en étions demeurés d'accord, mais nous n'avons plus maintenant l'esprit assez libre l'un et l'autre pour songer à des choses si sérieuses. Dites-lui que je le verrai demain matin. Non, qu'il en soit au contraire. Je serais bien aise, chevalier, de vous confondre à force de tendresse. Je veux vous croire aveuglément. Je m'abandonne à votre bonne foi. Et si vous êtes assez perfide pour en abuser, vous en serez d'autant plus coupable. Approchez, monsieur Guillemin, et retournez chez vous, je vous prie. Je vous avais averti pour un contrat de mariage, mais je ne prévois pas que la chose se fasse. Non, madame a changé de pensée. Et je suis devenu en un moment le plus scélérat de tous les hommes. Et parce que j'ai la réputation d'être trop aimé, je lui parais indigne de l'aide. Comment donc, madame, vous avez des sentiments bien étranges. Non, passez dans mon cabinet, monsieur Guillemin. Monsieur deviendra raisonnable. Venez, monsieur l'emporter. Venez, venez voir comme on vous croit indigne de la tendresse qu'on a pour vous. Non, madame, je ne veux point entrer dans toutes ces petites discussions. Mais il faut bien que nous en convenions ensemble. Mais c'est justement ce que j'appréhende et ce que je veux éviter. Non, je trouve qu'il n'y a rien de plus fatigant pour moi que des conventions, des articles. Ah. Et que voudriez-vous que j'allasse faire avec monsieur dans votre cabinet? Quoi? Vous dire qu'un jeune homme de qualité n'épouse guère une veuve de financier sans quelque avantage considérable? Que tout l'amour que j'ai pour vous ne me mettrait point à couvert des reproches qu'on me pourrait faire dans le monde? Et qu'enfin, pour me justifier aux yeux de tous mes amis, il faudrait que vous parussiez m'avoir acheté de tout votre bien? Ah non, madame, je ne saurais dire ces choses-là. Ça n'est pas de mon tempérament. J'aimerais mieux être mort que d'en avoir jamais parlé. Madame, monsieur le chevalier sait trop bien vivre. Mais aussi, monsieur, madame n'ignore pas comment on fait les choses. Elle vous aime. Et ce sera l'amour qui dictera lui-même les articles. Ah, monsieur Guillemin, que je vous suis obligé. Je vais lui parler comme vous faites. Oui, monsieur le chevalier, si une donation de tout mon bien peut servir à vous témoigner ma tendresse, je suis au désespoir de n'en avoir pas mille fois davantage pour vous prouver mille fois plus d'amour. Voilà ce qui s'appelle aimer, monsieur. Bon, eh bien, monsieur Guillemin, puisque madame le veut, passez avec elle dans son cabinet, dressez le contrat comme il lui plaira. Oui, elle me paraît si raisonnable que... Allez, je signerai tout aveuglément. Oh, peut-on voir un gentilhomme plus désintéressé? Venez, venez vous-même, monsieur chevalier, mais je vous en conjure. Non, madame, dispensez-moi. Je ne voudrais pas que ma présence vous engage à plus que vous ne voudrez. Oh, madame, accordez-lui cette satisfaction. Madame, voilà mademoiselle votre nièce qui vous demande. Oh, eh bien, allez donc, chevalier. Aussi bien, il ne faut pas qu'elle vous voie. Mais revenez au plus vite, au moins j'en serai bientôt débarrassée. Je ne vous quitte que pour un moment, madame. Vous rencontreriez ma nièce par là. Passez par le petit escalier. Courons vite chez la baronne. Faites entrer ma nièce. La voilà, madame. Ma tante, je viens vous dire. Mais qui est ce monsieur-là? C'est un honnête notaire qui vient pour faire mon contrat de mariage. Oh, ma tante, qu'il en fasse ainsi pour moi. J'ai vu le monsieur dont je vous ai parlé. Il a encore plus d'impatience que moi. Je vais achever mon affaire avec monsieur et nous songeons ensuite à la vôtre. Et moi, j'aurais pas pu les empêcher toutes deux de réussir. Il est temps que la chose éclate et il n'y a plus de maman à perdre. Ah, Lisette, tu vois la fille du monde la plus contente, la joie où je suis ne peut s'égaler. Vous n'avez pas la mine de la garder longtemps. Et si votre père vient à savoir? Mon père m'a toujours recommandé de plaire à ma tante. Il ne pourra rien dire quand il me verra faire ce qu'elle fait. Je ne connais pas de meilleur moyen de ménager l'un et de gagner les bonnes grâces de l'autre. Eh oui, mais en se mariant à l'homme de cour, elle vous frustre de tout son bien. Eh oui, mais en épousant aussi un homme de cour, je n'ai que faire du bien de ma tante. Et croyez-vous qu'un homme de cour puisse être riche autant que nous sommes? Va, Lisette, le bien n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Et pourvu qu'on m'aime, c'est assez. Et qui vous répondra qu'on vous aime? Ces jeunes seigneurs de la présence sont de grands fripons en matière d'amour. Oh non, celui-là n'est pas comme les autres. Il jure si amoureusement et il a tant d'esprit... qu'il est impossible qu'il ne soit pas fort honnête homme. Il fait des vers? Tiens, j'ai là un imprimé qu'il a fait pour moi. Lis-le toi-même. Ah, oh, puisqu'il fait des vers, il n'y a rien à dire. Le chevalier n'est point venu chez moi. Je ne suis guère contente de l'avoir trouvé tantôt ici. Le charmant objet que j'adore brûle des mêmes feux dont je suis enflammée. Mais je sens que je l'aime encore mille fois plus que je n'en suis aimée. Eh bien, qu'en dites-vous? Vous êtes curieuse, mamie. Et je vous trouve bien impertinent de lire ainsi les papiers qu'on a perdus chez vous. Comment donc, madame? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que c'est que cette folle, Lisette? Quelle petite insolente est-ce là? Oh, ma foi, c'est tout à fait drôle. Madame, rendez-moi mes papiers, s'il vous plaît. Comment donc que je vous rende vos papiers? Vous êtes une plaisante petite créature de vouloir avoir malgré moi des vers qui m'appartiennent. Des vers qui vous appartiennent? Je vous trouve admirable, madame, et vous êtes bien en âge qu'on passe des vers pour vous. C'est pour moi qu'ils ont été faits, et je vous conseille de me les rendre. Qui est cette petite ridicule, mamie? Observez-vous le terme moins offensant, c'est la nièce de madame. Et quand ce serait madame elle-même? Je la trouverais bien impertinente de dérober des vers qui n'ont jamais été faits que pour moi. Oh, pour cela, entre vous le débat, s'il vous plaît. Vous êtes bien impudent, une femme de votre âge. Vous êtes bien insolent, une petite fille comme vous. Madame, rendez-moi mes papiers, s'il vous plaît. Et vous faites bien de venir mettre le haut là entre deux dames qui s'allaient couper la corde. Mais qu'est-ce donc? Mais qu'avez-vous, madame? Que vous a-t-on fait, ma nièce? Ma tante, faites-moi rendre mes papiers ou madame s'en repentira. Châtiez l'insolence de votre nièce ou je la châtierai moi-même. Madame, quelle est votre différence? Comment, ma tante? Je montre à Lisette des vers qui ont été faits pour moi par la personne que vous savez, et cette madame vient me les arracher en me disant qu'ils ont été faits pour elle. Eh bien, pourquoi s'emporter de la sorte? La modération ne doit-elle pas être le partage d'une jeune fille? Et quoi que vous soyez persuadé que la raison est pour vous, faut-il pour ça faire la rangère, comme vous faites? Qu'est-ce à dire la raison est pour elle? Je soutiens, moi, que ses vers sont à moi, et qu'elle a menti quand elle s'en veut faire honneur. Et quand ça serait, madame? Est-il bien séant à votre âge d'en venir à ces extrémités? Et ne devriez-vous pas rougir de vous clabauder comme vous faites pour de méchants vers? De méchants vers, ma tante? Ce sont les plus jolis du monde. Lisez-les seulement, vous verrez bien qu'ils ont été faits tout exprès pour moi. Bien voyons, alors, madame, s'il vous plaît. Non, madame, je ne les rendrai point. Je vais vous les lire par cœur. Et vous connaîtrez bien par là que votre nièce ne sait ce qu'elle lit. Le charmant objet que j'adore brûle des mêmes feux dont je suis enflammée. Mais je sens que je l'aime encore. Mille fois plus que je n'en suis aimée. Eh bien, ma tante, le charmant objet. Eh bien, ma nièce, vous avez le front de soutenir que ces vers-là sont faits pour vous? Oui, ma tante. Vous voyez bien, madame, que je ne vous fais point d'imposture et que votre nièce n'a pas raison. Oh. Oh, vous êtes toutes deux bien étranges. Et nous sommes toutes trois bien dupes. Tenez, madame. Ah, ce sont les tablettes que je donnais hier au chevalier. C'est aussi lui qui me les a laissées. Voilà, oh, bon accident. Oh, bien, je ne connais point votre chevalier, mais je vais faire les vers moi-même et je vous ferai bien voir que je livrerai. Adieu. Je vais chercher le chevalier, madame, et je le dévisagerai si je le trouve. Oh, ma pauvre Lisette, je suis malheureuse. Ma foi, monsieur, je n'y comprends rien. Madame Patin a renvoyé le notaire, elle n'a pas signé le contrat. Il y a là-dessous quelque chose que nous n'entendons ni l'un ni l'autre. Tout cela ne me surprend point, Crispin. Oh, monsieur, avouez-moi franchement la chose. Vous avez fait quelques bagatelles et Madame Patin l'a appris, je gage. Non, il s'en est encore trouvé une troisième, qu'elle ne m'a nommée qu'en la traitant de petite étourdie. Alors, il faut que ce soit ma petite brune. Mais comment, morbleu, est-ce qu'elle avait aussi les mêmes frères? Oui, vraiment. Voilà plus de 15 jours que je n'en ai pas employé d'autres. Oh, monsieur, de qui savez-vous cette aventure, s'il vous plaît? Et de la baronne elle-même, que j'ai trouvée dans une colère épouvantable contre moi. Oh, sans diable, vous avez passé un mauvais quart d'heure. Enfin, Dieu merci, nous savons l'art de la mettre à la raison. Elle criait comme une enragée. Quand sa fureur a été un peu diminuée, je me suis justifié le mieux qu'il m'a été possible. Et elle a pris tout ce que vous avez dit pour de l'argent comptant? Non, elle s'est emportée encore davantage. Et je n'ai trouvé d'autre moyen de la réduire que de prendre pour elle un air de profond mépris, ce qui l'a piqué jusqu'au vif. Et cet air de mépris a réussi? À merveille, nous sommes meilleurs amis que nous n'avons été. La pauvre femme. Mais ne craignez-vous rien lorsqu'elle saura votre mariage avec Madame Patin? Oh, nous l'adoucirons. Et comme elle ne veut qu'un mari pour la consoler de m'avoir perdue, bah tiens, je te la ferai épouser si le cœur t'en dit. Oh, mais là, monsieur, ne raillons point, je vous prie. Elle ne perdra peut-être pas au champ, je vous en réponds. Mais c'est bien ainsi que je l'entends, vraiment. Et si quelques dessins que j'ai en tête pouvaient réussir, je te donnerai à choisir d'elle ou de Madame Patin. De Madame Patin. Voici quelque chose d'assez drôle. Ah, mon pauvre garçon. Ouais. Je crois bien que je suis amoureux, Crispin. Moi qui ne pensais pas pouvoir l'être. Amoureux? Et de qui? De la petite créature dont je t'ai parlé. Oh, de la petite brune. D'elle-même. Alors là, monsieur, le diable m'emporte si je vous comprends. Que venez-vous donc faire chez Madame Patin? Eh bien, mais elle a ménagé, comme la baronne. Car il faut que dans cette affaire, l'une ou l'autre me rende un service considérable. Vous n'avez qu'à le leur demander, elles le feront de grand cœur, assurément. Là, elles le feront sans penser le faire. Mais encore, de quelle manière? Eh bien, ma petite brune, à ce que j'ai pu savoir, est une héritière considérable, mais d'une naissance peu proportionnée à un si gros bien. Ce n'est pas là une raison qui vous embarrasse. Non, au contraire, c'est même ce qui m'a fait prendre la résolution de l'enlever. Après ça, sa famille ne se refusera pas à ce que je l'épouse. Et je serai en lieu de sûreté, cependant, et je ne l'épouserai point qu'on ne lui fasse de grands avantages. Et en quoi la baronne et Madame Patin vous peuvent-elles être utiles dans cette affaire? Écoute, je ne suis pas en argent comptant, comme tu le sais peut-être. Et je veux que mes deux vieilles m'en fournissent à l'envi l'une de l'autre et facilitent ainsi la conquête de ma jeune maîtresse. Tu Dieu, c'est le bien prendre. Et vous entendez les affaires à merveille. Oh, tiens, tu vas voir le manège que je vais faire avec celle-ci. Christian, laisse-moi rire. Il m'est impossible de m'en empêcher. Il faut que je me mette de la part. Oui. Vous voilà de bien bonne humeur, monsieur. Je ne sais vraiment pas quel sujet vous croyez avoir de vous tant épanouir la race. Je vous demande pardon, madame. Je suis encore tout rempli de la chose la plus plaisante du monde. Vous vous souvenez des vers que je vous ai tantôt donnés? Oui, oui, ça, je m'en souviens. Et vous vous en souviendrez aussi, je vous assure. Je m'en souviendrai, madame. Ils sont cause d'un incident dont j'ai pensé mourir à force de rire. Et je vous jure qu'il n'y a rien de plus plaisant. Où en est donc le plaisant, monsieur? Le plaisant? Eh bien, le plaisant, madame, c'est que 4 ou 5 godelureaux se sont fait honneur de mes vers. Et oui, vous les avez applaudis, je les ai cru bons et je n'ai pu m'empêcher de les dire à quelques personnes. Je vous en demande pardon, madame, c'est le faible de la plupart des gens de qualité qui ont un peu de génie. Oh. Comment ? Ces vers ont été retenus, on en a fait des copies et en moins de 2 heures, ils sont devenus vaudevilles. Oh, l'excellente courbe que voilà. Où veut-il vous mener avec ces vaudevilles? Écoutons ce qu'il va dire, il ne m'en fera plus aussi facilement à croire. Et vous êtes bien content, monsieur, de voir ainsi courir vos ouvrages. Mais n'en êtes-vous pas ravi, madame? Car enfin, puisqu'ils sont pour vous, cela vous fait plus d'honneur qu'à moi-même. Scélérat. D'ailleurs, la baronne et ma cousine Germaine n'a pas peu contribué à les mettre en vogue. Ah, mais je suis passé chez elle pour lui parler de quelque argent qu'elle m'a prêté et que je lui veux rendre, s'il vous plaît, madame, pour en être débarrassée tout à fait. Non, le royal fou. Donc, je dis vos vers à la baronne par manière de conversation. Elle les a trouvés admirables. Elle me les a fait répéter jusqu'à 3 fois. Et j'ai été très étonné que la vieille surannée les savait par cœur. Et puis, elle est sortie tout aussitôt et s'en est allée apparemment de maison en maison chez toutes ses amies. Faire parade de ses vers et dire que je les avais faits pour elle. Mais s'il disait vrai, Lisa, que vous êtes bonne, madame. Mais voici bien le plus plaisant, madame. J'ai passé aux Tuileries où j'ai rencontré, sans un coup, 6 beaux esprits qui m'ont conté que le marquis des Guérettes avait donné les vers en question à une petite grisette, que l'abbé Duterrier les avait envoyés à une de ses amies, que le chevalier Richard s'en était fait honneur pour sa maîtresse, et qu'enfin, 2 de ces pauvres femmes s'étaient, malheureusement pour elles, trouvées avec la baronne où il s'était passé une petite scène des plus divertissant. Ce sont de bons sauts, monsieur, que vos beaux esprits de plaisanter de cette aventure-là. Bon, vous prenez la chose comme il faut. Mais comment, madame, vous n'entrez donc point dans le ridicule de ces 3 pauvres femmes qui se veulent battre pour un madrigal, hein? Et la bonne foi de ces 2 pauvres abusés et la folie de notre baronne ne vous feront point pas maigrir? Tu ne ris pas, Lisette. Ah, madame, je le vois bien. Il vous fâche que des vers faits pour vous soient dans les mains de tout le monde. Eh oui, je suis un indiscret, je l'avoue, de les avoir rendus publics. Et je vous demande à genoux 1000 pardons de cette faute, madame. Mais je vous jure que le petit air que j'ai fait sur ces malheureux vers n'aura pas la même destinée et que vous serez la seule qui l'entendrait. Vous avez fait un air sur ces paroles-là, monsieur? Mais oui, madame, je vous conjure de l'écouter. Il est tout plein d'une tendresse que mon cœur ne sent que pour vous. Et je jugerai bien d'après le plaisir que vous aurez à l'entendre des sentiments où vous êtes à présent pour moi. Le double chien la va tromper en musique. Le charmant objet que j'adore brûle des mêmes feux dont je suis enflammé. Mais je sens que je l'aime encore et 1000 fois plus que je n'en suis aimé. Eh bien, madame, avez-vous bien remarqué tout l'agrément de ce petit passage? Le charmant objet que j'adore brûle des mêmes feux dont je suis enflammé. Sentez-vous bien toute la tendresse qu'il y a dans celui-ci? Mais je sens que je l'aime encore. N'avouerez-vous pas que celui-là est bien raciné? 1000 fois plus. Que je n'en suis aimé. Eh bien, madame, vous ne dites rien. Ah, madame, c'est que vous ne m'aimez plus, puisque vous êtes insensible aux chromatiques dont ce petit air est tout rempli. Ah, méchant petit homme, à quel chagrin m'avez-vous exposé? Comment, moi, madame? Mais savez-vous bien, ingrat, que j'étais une des actrices de cette scène que vous trouvez si plaisante? Vous, madame? Moi-même, et c'est en cet endroit qu'elle s'est passée entre la petite grisette, la baronne et moi. Oh, madame, pour le coup, il y a pour en mourir. Ah oui, je sens bien que pour m'achever, vous n'avez qu'à me dire combien vous me haïssez, et autant que je le mérite. Oh, faites-le, je vous en conjure, et donnez-moi le plaisir de vous convaincre que je vous aime, en expirant de douleur de vous avoir offensé. Madame, que je mérite. Ah, petit cruel! Mais savez-vous bien, qu'il ne s'en vaut presque rien que je ne sois la femme de M. Migaud. Ah, madame, si cela était, j'irais déchirer sa robe entre les bras même de la justice et je me ferais la plus sanglante après. Non, laissez-le en repos. Le pauvre homme ne sera que trop malheureux que je ne sois point à lui. Mais je vous avoue qu'il m'aurait si j'avais trouvé mon beau-frère chez lui. Et... heureusement qu'il n'y était pas. Ah, je respire, madame. Ainsi donc, je viens d'échapper. Vous vous seriez consolée avec la baronne. Évidemment, madame, ne me parlez pas de cela, je vous en prie. Je ne songe uniquement, je vous le jure, qu'à lui rendre 1000 pistoles que je lui dois et qu'il faut que je lui paye incessamment. Alors, madame... Mais si vous êtes bien véritablement dans ce dessin... Madame... J'ai de l'argent, chevalier. Venez dans mon cabinet. Voici Voilà M. Serfort qui vient. Mon Dieu, comment ferons-nous? Allez attendre chez votre notaire et me laisser Crispin pour vous faire avertir quand je serai seul. Crispin, demeure ici et attends ici l'ordre de madame. Me donnera-t-elle les mi-pistoles? Tais-toi. Passez par le petit escalier comme tantôt. On m'a dit, madame, que vous aviez passé chez moi et que vous m'y aviez demandé. On vous a dit vrai, monsieur, mais je n'avais pas recommandé qu'on vous dit de venir ici. Ça ne fait rien, madame, et je suis bien aise de savoir ce que vous me voulez. Outre que j'ai de mon côté quelque chose à vous communiquer touchant l'affaire de ce matin. Quelle affaire, monsieur? L'affaire de ce matin? Et n'avez-vous pas promis de me laisser en repos et de ne vous en plus mêler? Oui, madame, mais on nous a fait parler à monsieur Migaud et à moi pour le différend que vous avez eu avec cette marquise. Eh bien, monsieur, pour peu d'avance qu'elle fasse, je verrai ce que j'aurai à faire. Comment, madame, des avances? Mais c'est à vous, on va en faire. Il n'y a pas à hésiter, même. Quoi? Je ferai des avances, moi qui suis l'offensé? Mais on voit bien que vous ne savez guère les affaires du point d'honneur. Oui, voici des articles d'accommodement que j'ai dressés. Vous verrez par là si je sais ce que c'est. Ah, voyons un peu ces articles, je vous prie. Ah, ça va être en plaisant, des articles. Vous vous êtes fait mon plénipotentiaire, à ce que je vois. Mais voici ce que c'est, madame. Écoutons ces articles. Ce sont des articles, Lisette. Premièrement, il faudra que vous vous rendiez au logis de la marquise, modestement vêtue. Modestement. Oui, madame, modestement. En robe, cependant, mais avec une queue plus courte que celle que vous portez d'ordinaire. Ah, ça pour l'article de la queue. Je suis sa très humble servante. Mais je ne rendrai pas deux doigts de ma queue pour toutes les marquises de la terre. Arrivé chez la marquise, vous la demanderez au laquais qui sera de garde. À laquais de garde, monsieur. À laquais de garde. Il semble que vous parliez de quelque officier. Et pendant que le dit laquais ira avertir sa maîtresse que vous êtes dans l'antichambre, vous y demeurerez debout et sans murmurer, jusqu'à ce qu'il plaise à madame la marquise de vous faire entrer. Non, monsieur Serfort, non. Pour demeurer dans l'antichambre, je n'en ferai rien. Debout surtout, ça ne serait pas sans murmurer, ça ne se pourrait. Il faudra bien que ça soit pourtant. Quand la marquise sera visible... Oui, monsieur, c'est pas la peine d'achever. Oui, madame, et savez-vous bien que vous n'avez pas d'autre expédient pour sortir l'affaire, et que ce sont là les dernières paroles qu'elle nous a fait porter par son écuyer. Par son écuyer? Par son écuyer? Oh, mais il faut attendre pour faire cet accommodement que j'ai un écuyer comme elle. Alors quand nous agirons d'écuyer à écuyer, il faudra peut-être pas tant de cérémonie. Mais comment donc, madame, un écuyer? Êtes-vous marquise pour avoir un écuyer? Et ne songez oh, pas que... Oh, monsieur, point de contestation. Je vous prie, je n'aime pas les disputes, et pour peu que vous me poussiez, vous me ferez prendre des tâches. Oui, je vois ce que c'est votre entêtement continu. Il est désormais impossible de vous corriger, et vos manières me dictent à tout moment les avis qu'on m'a donnés. Comment donc, monsieur, quels avis? Avez-vous des espions pour examiner ma conduite? Oh, morbleu, madame, mais j'en sais plus que je n'en voudrais savoir. Eh bien, monsieur, tâchez de l'oublier. Mais vous ne nous manquerez pas de parole impunément. Il ne sera pas dit que vous aurez jeté ma fille dans le même dérèglement d'esprit où vous êtes et que son père l'ait souffert sans ressentiment. Quel discours? Que voulez-vous dire? Suis-je une déréglée, s'il vous plaît? Écoutez, monsieur Serfort, vous me rendrez raison des termes offensants dont vous vous servez. Prenez-y garde, je vous en avertis. Écoutez, madame Patin, il n'y a qu'un mot qui serve. Je suis bien informé que vous voulez épouser un gueux de chevalier qui se moquera de vous dès le lendemain de vos noces. Je sais que ma fille s'entête de quelque espèce de marquis, plus gueux peut-être encore que votre chevalier. Monsieur Migaud, c'est tout cela contre moi. Mais nous ne demeurerons pas les bras croisés ni l'un ni l'autre, et nous vous rendrons raisonnable malgré vous-même. Oh, monsieur Serfort, je vous en défie. Tâchez de le devenir, monsieur Serfort, et ne remettez pas ici les pieds que vous ne vous soyez rendu plus sage. Adieu, madame Patin. Adieu, monsieur Serfort. Vous aurez bien bon de mes nouvelles. Je n'en veux pas t'apprendre, monsieur Serfort. Adieu, monsieur Serfort. Qu'est-il, madame? Va dire à ton maître que pour de certaines raisons, je ne puis le voir que sur les 10 heures et qu'il ne manque pas de venir juste à cette heure-là. N'avez-vous que cela à lui faire savoir, madame? Oui, va vite, j'ai peur qu'il ne s'impatiente. Mais il me semble, madame, qu'il serait à propos qu'il rendit au plus tôt, madame la baronne, ces 1000 pistoles dont il vous a parlé. J'aurais soin de lui tenir toute prête. Eh bien, mais j'aurais soin de les lui donner si vous le vouliez. Dis-lui bien que je vais penser à lui jusqu'à ce que je le voie. Eh bien, mais je le lui dirai, madame. Ne crains rien, ma pauvre Lisette, ne crains rien. Madame Patin ne saura pas que la fille est venue de toi. Au moins, monsieur, vous savez que ma petite fortune dépend d'elle en quelque façon. Comment, mais sais-tu bien que c'est le plus grand service que tu lui puisses rendre que de détourner ce mariage? J'ai toujours travaillé pour cela autant qu'il m'était possible. Dans les commencements, j'ai cru qu'elle se moquait, mais quand j'ai vu que c'était tout bon, j'ai couru vous avertir. Mais tu as parfaitement bien fait. La partie est faite pour 5 heures du matin. Madame est dans son cabinet qui compte de l'argent dont monsieur le chevalier lui a dit avoir affaire. Et il viendra ici, dans une petite demi-heure, avec son notaire. C'est l'ordre de madame. La malheureuse. Oh, mais je vous avertirai quand ils seront avec le notaire. Ah, ventre bleu, ma pendarde de belle-sœur n'est pas encore où elle s'imagine. Je crois que je l'entends. Voici la clé de ma chambre. Allez vous y enfermer et tâchez de ne vous point ennuyer. J'avais envoyé un laquais chez Monsieur Migaud. La fête ne serait pas bonne sans lui. Oh, Monsieur Cerfort verra peut-être ce soir plus d'incidents qu'il ne s'imagine. Le chevalier n'est point encore venu, Lisette. Non, madame. Je suis dans une étrange impatience. N'a-t-on point eu de nouvelles de ma nièce? Non, madame. J'aimerais bien qu'elle fût ici avec son amant et qu'on l'ait pu marier aussi cette nuit. La baronne, alors qu'il est. Mon Dieu, n'en serait-je jamais défaite? Nous voilà bien seuls, madame. Où est donc, monsieur le chevalier? Monsieur le chevalier, madame. Monsieur le chevalier n'est pas toujours chez moi. Si c'est lui que vous cherchez. Non, pas, madame, et ce n'est qu'à vous que j'ai affaire. Oh, madame, il n'est pas heure de solliciter. Oh, vraiment, ma pauvre madame. Mais ce ne sont pas mes procès qui m'occupent à présent. Et j'ai bien autre chose en tête. Allez, vous détalez, s'il vous plaît, mamie, que. Et allez voir la dehors si j'y suis. Comment, mais que voulez-vous dire? Mais Lisette, ne me quittez pas. Poltronne, vous avez peur. Mais quel est votre dessein, madame? Approchez, Jasmin, approchez. Ah, oh, mon Dieu, des épées? Enfin, madame, venez-vous ici pour m'assassiner? Mais vraiment, ça c'est ma vie. Que je vous donne sur les oreilles. Et vous, madame, choisissez de ces deux épées laquelle vous voulez. Moi, madame, prendre une épée? Mais pourquoi, s'il vous plaît? Pour me tuer. Si vous pouvez. Mais je ne veux tuer personne. Mais je veux tuer, moi. Lisette, prenez garde à moi. Oui, madame. Enlevez le chevalier. Il est à moi, ce chevalier, aussi bien que mon moulin. Moi, madame, c'est le chevalier qui vous fait tourner la cervelle? Oui, madame, il faut me le céder. Oui, vigoureuse femme. Voyez, renoncez à toutes les prétentions que vous avez sur lui, et je vous donne la vie. Oh, quelle étrange femme, Lisette, et comment pouvoir m'en débarrasser? Un jour de Dieu, c'est trop barguillé. Allons, madame, pas de café. Je suis morte, on me le relève, on m'assassine. Vous vous n'étiez pas grave, grave. Oh, mon bras. Oh, la jasmin, la brille, la fleur, la gentille, la bonté, mais la quête. Oh, paix, madame, ne faites point d'autre vacarme. Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? À qui en avez-vous? Morgane, comme vous gueulez. Oh, mes enfants, jetez-moi, madame, par les fenêtres, je vous en prie. Laissez Babi, le premier qui avance, je lui donne de ses deux épées dans le ventre. Et là, madame la baronne, descendez, montez, on vous le permet, mais dépêchez-vous. Malheureuse petite bourgeoise, refusez l'honneur de se mesurer avec une baronne. Ne faites pas de bruit davantage, madame. Elle veut devenir femme de qualité, elle oserait tirer l'épée. Ah, merci, Babi. Je m'en vais chercher le chevalier. S'il me change de sentiment, ce sera moi qui l'aura fait. Oh, laisse-la faire, Lisette. J'aime bien mieux qu'elle aille le chercher que non pas qu'elle l'attende chez moi. Oh, vous avez raison. Mais entre vous et moi, madame, je crains bien que cette baronne-là ne vous joue quelque mauvais tour. Oh, j'ai eu peur d'abord, je te l'avoue. Oh, on en prendrait à moi. Oh, je ne suis pas encore bien remise. Oh, ma tante. Je viens d'avoir une belle frayeur. Elle a rencontré la baronne. Oh, ma tante. Je viens implorer votre protection contre les injustices de mon père. Mais comment, ma nièce, que vous a-t-il fait? Oh, ma tante, qu'on est malheureuse d'être la fille d'un père comme celui-là. Mais encore, qu'y a-t-il de nouveau? Qu'est-il arrivé? Ma tante, ne le devinez-vous pas? Il a trouvé au logis ce monsieur qui, même Marton, la femme de chambre de ma mère, l'avait fait rentrer par la porte du jardin. Mais qu'a fait votre père? Eh bien, ma tante, il m'a donné deux soufflets. Et il a traité ce pauvre garçon de la manière la plus incivile. Cela est bien malhonnête. Il ne l'a pas frappé, peut-être? Oh, ma tante, je crois qu'il n'a pas osé. Mais voyez-vous, ce qui me vexe, c'est que mon père m'a donné ses deux soufflets devant lui. Le brutal. J'ai résolu de me venger, ma tante. Très bien, ma nièce. Et j'ai besoin d'un bon conseil. Le marquis veut m'enlever. Conseillez-moi d'y consentir, ma tante. Vous ne sauriez me faire plus de plaisir. Bien, ma nièce, il ne faut pas manquer une si bonne affaire, faute de résolution. Où est-il à présent? Eh bien, il est allé chercher 1000 pistoles chez son intendant. Dès que j'aurai les 1000 pistoles, je ne ferai pas grand séjour chez madame Patin. Monsieur, vous voici? Qui vous a dit que j'étais là? Oh, Crispin, quel incident! C'est ma petite Brune. Oh, parbleu, la petite Brune. Monsieur, voici ma tante. Je vous ai toujours dit tante, viens. Quoi? Sa tante? Mademoiselle, j'ai l'honneur. Qu'est-ce que ça signifie, ma nièce? Monsieur, la personne dont je vous ai parlé. Oui, madame, j'avais prié mademoiselle votre nièce. Quoi? Monsieur, mais il est donc vrai que vous êtes le plus fourbe de tous les hommes. Mais ma tante, vous me trahissez, vous me dites de le faire venir et vous le querellez quand il est venu. Ah, ma pauvre nièce, quelle aventure! Oh, Crispin, l'affaire est épineuse. Je ne comprends rien, ma tante, en vérité. Scélérat! Mais ma tante! Non, sortons d'ici, monsieur, c'est le plus sûr. Vouloir constamment disposer toutes choses pour m'épouser et se proposer le même jour d'enlever ma nièce. Quoi, ma tante? Oui, mon enfant, voilà l'oncle que je voulais vous donner. Perfide. Sortons d'ici encore une fois, monsieur. Pardon, je voudrais bien voir la rareté du fait qu'il se tire l'intrigue. Que vous avez-je donc fait, monsieur, pour me vouloir tromper si cruellement? Mais pourquoi nous choisissais-tu l'une et l'autre pour l'objet de tes perfidies? Répondez, monsieur, répondez. Parle, parle, perfide. Et que diantre voulez-vous que je vous dise, mesdames? Quand je me donnerai à tous les diables, pourrais-je vous persuader que ce que vous voyez n'est pas? Mais à tout prendre au pied de la lettre, suis-je vraiment si coupable que vous vous l'imaginez? Car enfin, est-ce ma faute si nous nous rencontrons ici tous les trois? Tu crois tourner cette affaire en plaisanterie? Mais je ne plaisante pas, le diable m'emporte, je vous parle de mon plus grand sérieux. Pouvais-je deviner que vous êtes la tante de mademoiselle et que mademoiselle est votre nièce? Diable, si nous avions su cela, nous aurions pris d'autres mesures. N'en mettez-vous à ma place, de grâce, et voyez si j'ai tort. J'ai de la qualité, de l'ambition et peu de bien. Une veuve des plus aimables et qui m'aime tendrement me tend les bras. Irais-je faire le héros de roman? Et refuserais-je les 40 000 livres de rente qu'elle me jette à la tête? Et pourquoi nous en perfides? Puisque tu trouves avec moi tous ces avantages, deviens-tu amoureux de ma nièce? Oh, pour cela, madame, il n'est que de la regarder. Sa vue vous en dira plus que je ne pourrais vous en dire. Je commence à croire qu'il en sortira à son honneur. Je trouve en mon chemin une jeune personne, toute des plus belles et des mieux faites. Je ne lui suis pas indifférent. Oh, peut-on être insensible, madame? Et se trouve-t-il au monde des cœurs qui puissent résister à tant de charme? Oh, petite coquette! Ce sont vos minauderies qui m'ont enlevé le cœur du chevalier. Je ne vous pardonnerai de ma vie. Le chevalier n'aimerait que moi sans vos 40 000 livres de rente. C'est moi qui ne vous le pardonnerai pas. Oh, non, madame, n'allez pas vous brouiller pour une bagatelle. Et si vous m'aimez autant qu'il m'est doux de le croire, eh bien que celle de vous deux qui a le plus envie de me le persuader fasse un effort sur elle-même et me cède à l'autre. Et je vous assure que l'infortuné qui ne m'aura point ne sera pas la plus malheureuse. Je t'aime à la fureur, scélérat. J'aimerais mieux que ma nièce fût morte que de l'avoir jamais de toi. Je défie tout le monde ensemble d'aimer autant que je vous aime. Mais vous voir le mari de ma tante, c'est ce que je ne supporterai pas. Oh, voilà l'affaire dans sa crise. Ma tante, qui est père? Cachez-vous vite, monsieur chevalier. Non, monsieur. Il n'est pas besoin de vous cacher. Ah, ah, madame la belle-sœur. Voilà donc ce monsieur le chevalier que vous voulez épouser. Oui, monsieur, et c'est ce même chevalier que mademoiselle votre fille court aux Tuileries et qui, sans moi, serait peut-être votre gendre. Alors qu'il est... Que vois-je, mais c'est le même homme que j'ai trouvé chez moi. Eh oui, monsieur, nous sommes heureux à nous rencontrer, comme vous voyez. Comment, monsieur, en même jour, vouloir épouser ma belle-sœur et ma fille? C'est avoir bien la rage d'épouser pour me persécuter. Que moi, monsieur, mais au contraire, et pour vous faire voir que je veux être de vos amis, avantagé de ces deux dames, celles que vous haïssez, et j'en ferai ma femme tout aussitôt. Qu'est-ce à dire cela? Mais je ne prétends pas que vous épousiez ni l'une ni l'autre. Allez, pour laquelle, madame, vient de m'avertir avec empressement que vous me vouliez parler de quelque chose. Je n'ai point perdu de temps. Il semble que mon laquais devinait ma pensée. Et vous venez tout à propos. Profitez, je m'en délie. Comment non, madame? Voilà ma main, monsieur. Dès demain, je vous épouse. Pourvu qu'en même temps, monsieur, votre fils épouse ma nièce. Ah, madame, cette condition me fait plaisir. C'est moi qui vous réponds de cet article. Et ma fille, je crois, n'aura pas l'audace de résister à mes volontés. Dans le désespoir où je suis, mon père, je ferai tout ce que vous voudrez. Tu n'épouseras pas ma nièce. Parfait. Vous ne serez jamais le mari de ma tante, pourtant. Adieu donc, mesdames, jusqu'au revoir. Eh bien, monsieur, ne ferez-vous pas quelques petits airs sur cette aventure-là? Une chanson à propos raccommode quelquefois bien les choses, comme vous savez. Oh, il n'y a que les 1000 pistoles de madame Patin que je regrette en tout ceci. Bon, eh bien, retournons chez la baronne et continuons de l'aménager jusqu'à ce qu'il me vienne quelques meilleures fortunes.